Section 2, chapitre 1, deuxième partie, Philippe le Bel, politique et religion, par Alfred Coville. Le roi et son règne. Le fils de Philippe le Hardi, Philippe IV le Bel, qui règne à partir de 1285, est une énigme. Cachait-il sous ses traits d'une beauté régulière, sous son air modeste, sous le cilice qui témoignait de sa piété et domptait sa chair, une âme hardie, tenace et royale, ou bien n'était-il qu'un caractère faible et débonnaire, se confiant avec simplicité à d'audacieux conseillers? Le problème a toujours tourmenté les historiens. Les renseignements, en effet, sont bien insuffisants. Guillaume l'Écossais, moine de Saint-Denis, qui a connu le roi, qui a assisté à ses derniers moments, le représente comme très beau et très noble, de manières élégantes, d'attitude vraiment royale. Il se faisait remarquer par sa douceur et sa modestie, fuyant avec horreur les mauvaises conversations, exact aux offices divins, fidèle observateur des jeûnes prescrits par l'Église, portant un cilice. Tout ce qui lui était reproché, ajoute-t-il, était inventé par ses conseillers, notamment les impôts excessifs. Il était bon, indulgent, donnant volontiers sa confiance entière à des hommes qui ne la méritaient guère. Le chroniqueur florentin, Jean Villani, proclame ce roi de France le plus bel homme du monde, de haute taille, bien fait, d'esprit posé, très occupé de chasse, et se déchargeant volontiers sur autrui du soin du gouvernement. Villani, Geoffroy de Paris, parle également de mauvais conseillers, qu'il écoute à trop. Les autres détails très clairsemés ne détruisent pas cet accord. Les contemporains le jugeaient impénétrable, impassible. Un ennemi mortel, Bernard Saïssetti, le comparait au duc, le plus beau mais en même temps le plus vil des oiseaux, que ceux-ci avaient élu pour roi, qui ne répondait pas quand on lui parlait, ne savait que regarder fixement. Il disait que ce n'était ni un homme, ni une bête, mais une statue. Pour ce prince, Gilles de Rome, disciple de saint Thomas et d'Aristote, avait fait un livre sur l'éducation et les devoirs des rois, mais il n'avait pas de goût pour les lettres, beaucoup au contraire pour les exercices corporels. Sa force musculaire était très grande, puisqu'il faisait plier deux chevaliers en leur appliquant les mains sur les épaules. Il ne paraît pas cependant qu'il ait aimé la guerre et les combats. Il préférait négocier et restait volontiers loin des coups. Conseillers et légistes. Il est difficile, avec des données si imparfaites, de trouver la marque de Philippe le Bel dans la politique de son règne, qui fut toujours processive, exigeante, impitoyable. Mais une telle politique est tout à fait en harmonie avec l'état d'esprit des personnages qui entouraient le roi, qui remplissaient son parlement, qui ont régné en son nom. Cet esprit n'est plus du tout celui de la cour de Saint-Louis. Il n'a pas sa source dans la religion et la conscience. Il n'a pas pour but le triomphe de la morale chrétienne dans le gouvernement des peuples. Il n'est pas fait de justice et de charité. Son origine est impériale et romaine. Il est tout imbu du droit impérial qui établit l'omnipotence du prince, et il cherche à faire triompher cette omnipotence en rendant la royauté absolue en matière de loi, de justice et de finances. Il s'est formé aux écoles de droit romain, surtout dans le Midi, à la grande école de Montpellier. Les hommes qu'il fait agir sont d'origine assez basse, que ne retient aucun préjugé. Gens du Midi violents et subtils, normands processifs et tracassiers. Il y a en eux un mélange inconnu d'habitudes féodales, brutales et agitées, et d'esprits nouveaux et modernes. On les a appelés les légistes, et leur tendance générale est bien sensible en ce règne où l'on voit tous les grands événements se passer sous forme de procès. Procès contre Édouard Ier pour lui enlever la Guyenne, procès contre le comte de Flandre qui est gardé prisonnier, procès contre le pape Boniface VIII, procès contre les Templiers, etc. Les événements les plus tragiques ne sont au fond que des actes de procédure très mouvementés. Parmi ces légistes qui ont inspiré le gouvernement de Philippe IV, bien plus que le roi lui-même, il y en a quelques-uns qui semblent avoir dominé et à qui on peut, jusqu'à plus ample informé, faire remonter la plus grande part de responsabilité et aussi la gloire des succès. Dans la première partie du règne, ce sont les hommes du Midi, Pierre Flotte, Guillaume de Nogaret, et moins élevés qu'eux, Guillaume de Plaisian. Les deux premiers tinrent successivement le sceau, sans porter cependant le titre de chancelier. Pierre Flotte était d'Auvergne, éloquent, hardi dans son langage. Guillaume de Nogaret est mieux connu. Il était du diocèse de Toulouse. Il avait eu des ancêtres brûlés pour hérésie. Sa famille n'était pas noble. C'est à Philippe le Bel qu'il dut sa noblesse. Avant 1294, il est docteur en droit et professeur ès-loi, puis juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes. 2 ans après, il est au conseil du roi. Passé dès lors au premier rang, il tint le rôle principal, à partir de 1303, dans la grande lutte de Boniface VIII et du roi de France. Ce fut lui qui prépara et exécuta l'attentat d'Anagny. Il agit en tout avec une singulière froideur juridique, en procureur qui fait une procédure. Lorsque Benoît XI le déclara anathème et lui refusa tout pardon, il résista avec une énergie indomptable. On l'accusa de la mort subite et mystérieuse du nouveau pape. Quant au roi, il soutint son agent et le combla de présents. Nogaret écrivit sa propre apologie. Il a fait « virtuosum negotium ». Il est le défenseur de l'Église et il accumule les moyens juridiques pour le prouver. Ce fut encore lui qui alla spolier les Juifs de Toulouse en 1306. Il est chargé de la garde du sceau royal au moment où commence le procès des Templiers. Laïc, il intervient dans ce procès ecclésiastique. Toujours il resta puissant. Il poursuivit son absolution avec tant d'audace qu'il finit par l'obtenir. À la fin du règne, le conseiller tout-puissant est Enguerrand de Marigny. Celui-là, un Normand de petite noblesse du Vexin, dit le Fortier. Attaché à la maison de la reine, il devint chambellan du roi, comte de Longueville, gardien des trésors, capitaine du Louvre, etc. La générosité du roi à son égard était sans bornes. Aujourd'hui encore, on demeure étonné de la quantité d'actes royaux en faveur de Marigny qui sont parvenus jusqu'à nous. Il fut mêlé aux grandes affaires du temps, à celles de Flandre et d'Angleterre. Haï et redouté, il était plus écouté que le frère même du roi. Le comte de Flandre l'appelait un étrange magicien. Aux états de 1311, il parut le maître. Il est dit alors coadjuteur du roi de France et gouverneur de tout le royaume. Il faisait tout ce qu'il voulait, du pape comme du roi. Voilà ceux qui furent vraiment rois. Quoi d'étonnant si entre leurs mains le gouvernement royal prit un aspect nouveau, fut en absolu contraste avec celui de Louis IX. La diplomatie de Philippe le Bel et ses débuts. Sous Philippe le Bel, la plus évidente manifestation de la puissance acquise par la royauté capétienne à travers tout le XIIIe siècle, c'est sa politique étrangère, si active et si variée, sa diplomatie. Des traditions commencent. Les formes extérieures des négociations deviennent, par la fréquence même des rapports, plus précises et plus correctes. Des correspondances diplomatiques s'établissent avec les pays voisins, pour prévenir ou pour terminer les guerres, pour régler à l'amiable les contestations. Les ambassades se multiplient. Elles portent encore le caractère du temps. Elles sont surtout ecclésiastiques. Les chefs sont des prélats. Les conférences ont lieu dans les édifices religieux. Des chapelains exécutent les missions diplomatiques. Le serment est religieux. Mais toujours aussi des notaires sont présents pour chaque partie, représentant le témoignage public, rédigeant les conventions en bonne forme, donnant lecture des déclarations et actes des souverains. Le latin est la langue des traités. Le français sert le plus souvent dans les simples négociations. C'est suivant ces formes régulières que se terminent tout d'abord les affaires de Sicile et d'Aragon, dont le règne précédent avait laissé à Philippe le Bel le règlement. À la suite des vêpres siciliennes, le roi Pierre d'Aragon s'était emparé de la Sicile, tandis que Philippe le Hardi avait échoué dans la conquête de l'Aragon. Puis, coup sur coup, en 1285, les grands personnages de cette lutte, le pape, le roi de Naples, le roi de France et le roi d'Aragon, avaient disparu. L'héritier de Naples, Charles II, était prisonnier. 2 fils de Pierre III s'étaient installés dans les possessions de la maison d'Aragon, Alphonse en Aragon, Jaime en Sicile. Quant à l'héritier et successeur du roi de France, Philippe le Bel, il ne se souciait guère de nouvelles difficultés, d'une conquête pénible, sinon impossible, pour le compte de son frère Charles de Valois. Il laissa préparer la paix. Grâce à la médiation du roi d'Angleterre, Édouard Ier, une trêve fut conclue en juillet 1286. Mais les négociations qui suivirent n'allèrent pas sans encombre. Pour les faciliter, un véritable congrès fut réuni à Tarascon en 1291. Ce congrès se présente avec des apparences tout à fait modernes. C'est comme le premier témoignage d'une Europe politique avec des groupements d'intérêts, des discussions générales, des décisions communes. Les puissances représentées étaient le roi de France, le roi d'Angleterre, le roi de Naples, le roi d'Aragon, Charles de Valois, le Saint-Siège. Des députés vinrent encore au nom des Cortés d'Aragon. La paix fut signée. Par les efforts successifs de deux papes, Nicolas IV et Boniface VIII, elle devint définitive en 1295. Charles de Valois renonça à ses prétentions sur l'Anjou, dont Jaime à la Sicile, mais le résultat fut nul et non avenu, car les Siciliens ne se soumirent pas. Ils prirent et gardèrent le troisième fils de Pierre III, Frédéric, comme roi de Tinacry. Négociations et guerre avec l'Angleterre. Un royaume était forcément en plus fréquente relation que les autres avec la France. C'était le royaume d'Angleterre. Car le roi d'Angleterre était vassal du roi de France pour la Guyenne. Il s'en fallait que le souverain anglais fût aussi redoutable en France à la fin du XIIIe siècle qu'au début. Il avait perdu tout ce que le roi de France avait gagné. Ses possessions continentales avaient diminué de moitié. De plus, la tension et les forces d'Édouard Ier étaient alors concentrées en Grande-Bretagne. Il cherchait à achever la conquête de l'île sur les Gallois, sur les Écossais. Aussi, lorsqu'en 1286, Philippe le Bel invita Édouard Ier à venir lui prêter hommage pour la Guyenne, le roi d'Angleterre s'exécuta-t-il de bonne grâce. À genoux, devant son suzerain, il lui dit « Je deviens votre homme des terres que je tiens de vous de Salamère, selon la forme de la paix qui fut faite entre nos ancêtres. » Un traité ratifia ceux de 1258 et de 1279, et une convention faite en 1289 à Amiens régla la possession du Quercy, contestée depuis la mort d'Alphonse de Poitiers. Édouard Ier l'abandonna pour une rente de 3000 livres tournois. Les relations des deux royaumes devinrent bientôt plus difficiles. L'intervention d'Édouard Ier dans les affaires d'Aragon avait au fond déplu à Philippe le Bel. Le pape prêcha vainement l'accord entre les deux souverains. Les incidents se multiplièrent. Dans une querelle de matelots, un Anglais tua un Normand. Les amis de la victime prirent un marchand de Bayonne et le pendirent avec un chien à un mât de navire. Puis ce furent de continuelles scènes de représailles. Des flottes s'équipèrent. La course fut organisée par les marins normands. Les Bayonnais voulurent prendre La Rochelle. Pour mettre fin à ces excès, Philippe le Bel se plaignit, puis cita Édouard comme duc de Guyenne devant le Parlement. Le roi d'Angleterre ne voulait pas la guerre, il l'avait en Écosse. Il envoya l'évêque de Londres offrir des dédommagements réciproques et l'arbitrage du pape. Puis son propre frère Edmond, mari de la reine Blanche de Navarre, apparut, qui négocia et conclut un double traité avec les deux reines, Marie et Jeanne de France. La concession principale était que, pour éviter une action judiciaire, Édouard remettait à son suzerain la Guyenne pendant 40 jours, mais avec promesse formelle de restitution. D'après les historiens anglais, Philippe le Bel oublia cette dernière clause et voulut garder ce qu'il tenait. D'après des témoignages irrécusables, si Philippe ne restitua pas, ce fut pour répondre à de nouvelles vexations et provocations. Marchands normands assassinés à Bordeaux, sergent royal dont on avait coupé le poing à Villeréal, péagers royaux décapités à Fronsac, château de Berzé incendié, de nouveau, le roi de France cita Édouard à son parlement. Sur son refus de comparaître, la guerre fut déclarée. Les deux adversaires cherchèrent partout des alliés, 1295, et en trouvèrent pour de l'argent. Cette extension forcée d'une querelle particulière indique déjà que l'Europe politique commence à vivre. Édouard Ier eut pour lui le roi des Romains, Adolphe de Nassau, l'évêque de Cologne, les comtes de Hollande, de Gueldre, de Brabant, de Savoie, le roi de Castille, le comte de Bar, Jean de Chalon, qui lui coûtèrent fort cher. Philippe le Bel n'était pas moins bien pourvu d'alliés. C'était le dauphin de Viennois, l'évêque de Valence, le comte de Bourgogne, le duc de Lorraine, le comte de Luxembourg, l'évêque de Cambrai, le comte de Hainaut, le roi de Majorque, surtout les Écossais. C'est le commencement de cette alliance traditionnelle avec l'Écosse, si utile dans la guerre de Cent Ans, que Philippe le Bel a eu l'heureuse idée de négocier et l'habileté de réaliser, alliance qui devait durer jusqu'à Henri IV. Mais ces deux coalitions n'eurent pas de suite. Le roi de France acheta la neutralité des principaux alliés de l'Angleterre et rien ne fut fait. Édouard Ier trouva cependant un allié plus sérieux et plus décidé. C'était le comte de Flandre, Guy de Dampierre. La chose était d'autant plus utile que les premières hostilités avaient été favorables à la France et que la Guyenne semblait presque conquise. Édouard Ier promit à Guy une armée et 60 000 livres par an. Ce fut le point de départ de la guerre de Flandre, qu'on exposera plus loin. Le roi d'Angleterre, craignant les Écossais, désapprouvé par les barons et bourgeois anglais, avant d'avoir combattu, signa une trêve, le 9 octobre 1297, à Vives-Saint-Bavon, renouvelée pour 2 ans à Tournai en 1298. On s'en remettait à l'arbitrage du pape. Dans sa sentence, Boniface VIII rétablit les choses dans le statu quo ante, sans parler des alliés, ni des Écossais, ni des Flamands, que chacun des adversaires refusait de comprendre dans le traité. Les difficultés, du reste, ne furent pas terminées, mais elles se passèrent désormais en négociation. Philippe le Bel désirait protéger ses alliés, les Écossais, puis les brigandages maritimes continuaient. Enfin, il restait à régler les conditions d'un double mariage, d'Édouard Ier avec Marguerite, sœur du roi, du prince de Galles avec Isabelle, fille aînée du roi. Ce fut surtout la question des Écossais qui rendit les pourparlers interminables. Comme les deux princes ne s'entendaient guère, ils conclurent traité sur traité. À Montreuil, 1299, à Asnières, à Paris, 20 mai 1303. Finalement, la Guyenne fut rendue à Édouard Ier, qui, de nouveau, reconnut publiquement sa vassalité. À la mort de ce roi, son fils et successeur, Édouard II, vint sans difficulté prêter l'hommage à Boulogne. Quant aux Écossais, ils étaient oubliés, abandonnés. Affaire de Flandre. Beaucoup plus grave et plus dangereuse restait la lutte commencée contre la Flandre. Les domaines des comtes de Flandre, il est vrai, étaient en majeure partie dans la mouvance de France. Mais leur comté avait alors une vie à part, exceptionnelle. Ils étaient puissants comme des rois. Rien n'égalait la prospérité de la Flandre au Moyen-Âge. Elle la devait à son agriculture, si facile et si productive, à son industrie de la laine, à son immense trafic. Gand était le grand centre industriel. Bruges, la grande place d'échange, comme Manchester et Liverpool aujourd'hui en Angleterre. Les riches marchands de la Flandre enrichissaient leurs comtes, en faisaient de redoutables personnages. Mais ils leur étaient eux-mêmes un danger. Leurs populeuses cités étaient toutes pourvues de larges libertés qu'elles avaient imposées, achetées aux comtes, et qui faisaient d'elles d'orgueilleuses républiques marchandes. Les comtes devaient beaucoup les ménager, car elles tenaient peu à eux, venus d'Alsace, de Portugal, puis de Champagne. Mais elles tenaient beaucoup à leur liberté, à leur prospérité, à leur tranquillité. Guy de Dampierre, champenois, était comte par sa mère. Il était ambitieux, avide et avare. Il est vrai qu'il avait un grave souci bien fait pour l'aveugler. De ses deux mariages, il avait 9 fils et 8 filles qu'il voulait établir. Sa rudesse, ses exigences, irritèrent à plusieurs reprises les Flamands, du moins ceux des classes patriciennes, devenus des Leiliaert, partisans des Lys. Ils adressèrent leurs plaintes au suzerain direct Philippe le Bel, qui devait s'en souvenir. Le comte songeait à marier une de ses filles, Philippa, au fils aîné du roi d'Angleterre, Édouard, prince de Galles. Une convention fut faite en 1294, juste au moment où la guerre était imminente entre Philippe et Édouard Ier. C'était presque un acte de félonie à l'égard du suzerain. Le roi de France averti manda le comte à Paris pour avoir conseil avec lui et les autres barons de l'état du royaume. Guy n'osa refuser, ce qui eût été s'avouer coupable, et vint avec deux de ses fils. Il annonça ses projets de mariage pour sa fille. « Au nom de Dieu, sire comte, répondit le roi, ainsi n'ira mille choses. Vous avez fait alliance avec mon ennemi sans mon su. Pourquoi vous demeurerez devant moi ?» Puis il le fit enfermer au Louvre. Au bout de 10 mois, le pape obtint la délivrance du captif, mais la fille du comte, Philippa, dut venir comme otage. De retour dans ses domaines, Guy hésita encore 2 ans, entre la France et l'Angleterre, cherchant à tromper l'une et l'autre. Puis il se décida pour l'Angleterre, traita formellement avec Édouard Ier et envoya 2 abbés flamands à Paris renier son hommage et sa fidélité. Une armée française entra aussitôt en Flandre. Le roi d'Angleterre, le grand espoir du comte, agit avec la plus grande mollesse. Il ne vint sur le continent que pour conclure la trêve de Vive-Saint-Bavon et commencer d'interminables négociations. Pendant ce temps, Philippe le Bel, au mois de juin, assiégeait Lille. Robert d'Artois était vainqueur à Furnes. Dans la bataille, une partie de la noblesse flamande a fait défection. Ce sont les Leiliaert. Dans la trêve de Vive-Saint-Bavon, la Flandre était comprise. Mais à Tournai, 1298, à Montreuil, juin 1299, le comte de Flandre se trouva abandonné. Charles de Valois entra dans le comté avec une armée, occupa Douai, traversa Bruges, qui s'était offerte au roi de France dès 1297, et reçut les clés de Gand, 8 mai 1300. Personne ne résistait, ne défendait le comte. Les bourgeois des villes de Flandre étaient tous corrompus par les dons et par les promesses du roi de France. Guy se rendit avec 2 de ses fils et 51 chevaliers. Toute la Flandre était soumise et comme réunie au domaine. En 1301, Philippe le Bel vint avec la reine voir sa conquête. À Gand, à Bruges, la grande bourgeoisie lui fit bel accueil. À Bruges, partout s'élevaient des estrades magnifiques, tendues de tapisseries précieuses. Les femmes étaient couvertes de joyaux. Ces marchands avaient imprudemment étalé tout leur luxe. Au commun peuple, les échevins avaient fait défendre sous peine de mort d'adresser aucune plainte, aucune requête au roi. La plèbe resta muette, stétit quasi muta. Le roi fut effrayé de ce silence. On organisa cependant des fêtes, des joutes somptueuses. Les convoitises des chevaliers français commencèrent à s'allumer. Les fêtes terminées, le roi partit, les Flamands, qui avaient imploré le secours des Français, eurent bien vite assez de leur administration. Le gouverneur Jacques de Châtillon voulut mettre le pays en exploitation, lui faire apporter au-delà du possible. On n'était pas habitué en Flandre à de pareils abus, surtout à les supporter patiemment. Les mécontents s'unirent dans des conventules secrets. La sédition éclata à Bruges, à Gand, à Damme. À Bruges, les magistrats voulaient faire payer au peuple les frais de la réception royale. Alors parut Peter de Coninck, simple tisserand, homo plebeius, petit borgne, ne sachant pas le français, mais parlant le flamand avec grande éloquence. De Coninck avait avec lui 25 chefs de métier. Ils furent arrêtés. Le peuple brisa les portes de la prison, se leva tout entier. Les métiers ont suspendu le travail. Les magistrats sont enfermés dans le burg, puis en partie massacrés. Mais la lutte était encore inégale. Des renforts vinrent au gouverneur français. Il fallut traiter pour éviter pire. De Coninck et ses amis s'exilèrent. C'était un commencement. De nouveau, en mai 1302, l'émeute se leva et grandit. Peter de Coninck et un riche boucher, Jean Breydel, qui s'était joint à lui avec 5 000 partisans, était aux environs. Il venait d'entrer 1 700 hommes d'armes français dans la ville. Dans la nuit et la matinée qui suivirent leur arrivée, le peuple organisa un vaste complot silencieux. On s'arma, des chaînes furent tendues dans les rues, les selles des chevaux disparurent comme par enchantement, les exilés qui tenaient la campagne furent appelés en toute hâte. Unis aux gens de métier, ils surprirent les Français dans les maisons, en firent un horrible massacre, auquel prenaient part les vieillards, les femmes, les enfants. Ainsi périrent 24 bannerets, 1300 chevaliers, 2000 hommes d'armes. On mit 3 jours à porter les cadavres hors de la ville. Ce furent les Matines de Bruges. Il fallait soutenir cet acte d'audace et de révolte. Sauf Gand, la Flandre se souleva. Le mouvement était irrésistible. Il entraîna une partie de la noblesse, des lignages, de la grande bourgeoisie. À la tête des Flamands se mit un fils de Guy de Dampierre, Guy de Namur. Tous se trouvèrent réunis près de Courtrai à attendre l'armée du roi de France, qui venait venger ses hommes d'armes. Là étaient de Coninck, Breydel, toutes les corporations, tous les métiers, avec leurs costumes, jaunes, bleus ou blancs. D'Ypres était venu, malgré l'opposition de l'aristocratie locale, 500 hommes d'armes vêtus de rouge, 700 arbalétriers au corselet noir. À Gand, les magistrats avaient défendu de sortir de la cité. 700 hommes, cependant, la plupart tisserands, accoururent défendre leurs frères. Ce fut la bataille de Courtrai ou de Croninghay, juillet 1302. La chevalerie française y fut défaite, décimée, honnie. On a beaucoup discuté pour savoir dans quelles conditions avait eu lieu l'action. Les Flamands ont été accusés de perfidie par les uns, la chevalerie française outrageusement critiquée par les autres. Il semble que les chevaliers aient été en fort mauvais point pour bien attaquer, que les Flamands, au contraire, aient habilement tiré parti du terrain. En tout cas, leur victoire fut complète. Elle produisit une grande sensation en Europe. Il y eut en Flandre une joie immense, des fêtes superbes par toutes les villes. De grands honneurs furent rendus à Peter de Coninck. Pour réparer ce rude échec, Philippe le Bel fit de grands préparatifs, vint à Arras, à Douai. Puis il parut reculer. Il ne voulait pas combattre. Revenu à Paris, il envoya en Flandre Guy de Dampierre pour obtenir une paix, mais la démarche ne réussit pas. Le comte mourut le 7 mai 1304. Cette même année, de nouveau, le roi fait de grands préparatifs. L'arrière-ban est crié. L'armée de terre se réunit à Arras. C'est l'ost de Flandre. Une flotte, sous les ordres du génois Grimaldi, s'avance dans la mer du Nord. La flotte flamande fut battue à Zierigzee. L'armée flamande presque battue à Mons-en-Pévèle, près de Lille, 18 août 1304. C'était la revanche de Courtrai. Mais toute la Flandre s'armait. Philippe le Bel comprit que c'était le moment de traiter. Il avait entre les mains le fils aîné du feu comte Robert de Béthune et pouvait lui imposer ses conditions. Un traité fut conclu à Ati en juin 1305. Il était désastreux au point de vue flamand. Il imposait aux villes une lourde contribution en argent, ordonnait la démolition des forteresses, mettait à la disposition du roi les peines ecclésiastiques les plus graves, frappait 3000 citoyens de Bruges, détruisait enfin l'intégrité territoriale de la Flandre par l'abandon, en apparence provisoire, de la partie wallonne, avec Lille, Douai, Orchy, etc. Le peuple des villes n'accepta jamais ce traité. Il fut considéré comme un malheur national. Quant à Philippe le Bel, s'il n'avait pu faire disparaître le grand fief flamand, il l'avait largement entamé. Son domaine faisait là une de ses plus précieuses acquisitions. Politique allemande et projet d'empire. Les relations de la France et de l'Allemagne sont la meilleure preuve de l'extension et de la variété de la politique étrangère sous Philippe le Bel. Il continue, avec plus d'activité et d'audace que ses prédécesseurs, une politique que l'on peut déjà dire traditionnelle, cherchant à empiéter sur les territoires d'empire, poussant même ses ambitions jusqu'à la couronne impériale. Il exige l'hommage de l'évêque de Viviers. Il le reçoit du comte de Bourgogne, alors en lutte ouverte avec Rodolphe de Habsbourg. Il négocie le mariage de l'héritière du comté avec son fils aîné. Il soutient Renaud de Montbéliard contre l'évêque de Bâle, ami de l'empereur. Il défend les bourgeois de Lyon contre le chapitre cathédral et l'archevêque. Si bien que le prélat, en 1305, lassé d'une lutte qui semble devoir s'éterniser, accepte l'établissement dans la ville d'un gouverneur royal ou gardiator. La Lorraine n'est pas oubliée. Philippe le Bel se déclare à Toul le protecteur et le gardien des biens du chapitre. Sur les terres qui relèvent du comte de Bar, il s'empare de Beaulieu et de Montfaucon. Même conduite du côté du Hainaut, en particulier à Valenciennes, qui devient française par jugement du Parlement contre Jean de Hainaut, 1293. Ainsi, partout du côté de l'Empire, la politique du roi est vigilante, active, fructueuse. Une telle politique ne pouvait être poursuivie sans rencontrer des résistances de la part des souverains allemands, si faibles qu'ils fussent alors. Adolphe de Nassau, élu roi des Romains en 1291, protesta à plusieurs reprises contre les empiétements du royaume de France, s'allia avec les ennemis de Philippe le Bel, se mit à la solde du roi d'Angleterre, se coalisa avec le comte de Flandre et les nobles franc-comtois révoltés, sans jamais effrayer son adversaire, car il n'était mis de moult grandes affaires et cédait toujours pour quelque argent. Albert d'Autriche, qui lui succéda, 1298, comme roi des Romains, changea de procédé, sinon de but. Dès son couronnement, il envoya une ambassade solennelle à Paris négocier un mariage pour son fils Rodolphe. Philippe le Bel accepta volontiers. Il y eut conférence à Neufchâteau, arbitrage, enfin entrevue des deux princes à moitié route de Vaucouleurs et de Toul, le 8 décembre 1299. La rencontre eut lieu en grande solennité. Les électeurs de l'Empire y assistaient. On échangea de grands cadeaux, 100 couples de chiens avec leurs veneurs, des chevaux magnifiques. Philippe le Bel y agita la question de l'Empire et laissa entrevoir ses plus lointains désirs. Les électeurs manifestèrent une vive inquiétude et une opposition absolue. Le roi ne s'obstina pas. Faute de mieux, il demanda le royaume d'Arles. On croit qu'il obtint l'abandon secret du pays entre Meuse et Rhin, promettant d'assurer la couronne impériale à Albert d'Autriche. C'était là une magnifique espérance. Mais il fallait que la chose fût gardée secrète. C'est ce que Philippe le Bel ne sut pas faire. Au moins, pendant 2 ans, y eut-il union véritable. Mais le roi de France, au plus mal avec le Saint-Siège, ne put obtenir la couronne impériale pour son nouvel allié. Albert d'Autriche, surtout après Courtrai, pensa qu'il valait mieux se réconcilier avec le pape. Boniface VIII ne tint pas rigueur à l'enfant prodigue, heureux de trouver un prince à opposer à Philippe le Bel. Il le reconnut, ordonna de lui obéir comme au souverain légitime, le délia de tous les serments qui le gênaient, déclara enfin qu'il dominait universellement les rois, même le roi de France. En disant le contraire, les Français mentaient par la gueule. Philippe le Bel comprit que c'était une rupture et commença à prendre ses sûretés. C'était peut-être le prélude d'une guerre générale. Mais Boniface VIII mourut et tout resta en suspens pendant 3 ou 4 ans. En 1308, de grands desseins reparaissent. Alors la puissance du roi de France est vraiment imposante et souveraine. À côté de la faiblesse de la papauté, de l'abaissement de l'Allemagne, on voyait le gouvernement de Philippe le Bel suivre une politique étrangère de prépondérance, avoir une diplomatie presque universelle pour le temps. Le pape vivait en France, en Italie, un Capétien régnait à Naples et prétendait au trône de Hongrie. En Castille, les infants de la Cerda étaient soutenus par le roi de France. La Navarre avait pour souverain la reine de France. Philippe le Bel avait fait de nombreuses alliances parmi les princes du Rhin, de Liège et du Brabant, de la Savoie et du Dauphiné. Charles de Valois épousait Catherine de Courtenay, héritière de l'Empire latin de Constantinople. Un mariage, à partir de 1303, unissait la France et l'Angleterre. Des traités étaient conclus avec les princes les plus lointains, le Kral de Serbie, le roi de Norvège, les Khans des Mongols, les chefs mongols de Syrie. Vers 1309, la royauté française offrait l'image de la puissance impériale. Il ne lui manquait que le titre. Or, on put se demander en 1308 si le titre ne viendrait pas couronner la puissance. Le 1er mai, Albert d'Autriche était assassiné par Jean de Souabe. Les électeurs divisés et incertains, ne surent pas lui donner aussitôt un successeur. Ils laissèrent aux compétitions le temps de se produire. Tandis que Pierre Dubois, avocat du roi à Coutances, obscur publiciste, qui rêvait de célébrité et de gloire, remplissait un mémoire au roi de ses étranges élucubrations, la politique française commençait à agir. Philippe le Bel ne demandait rien pour lui, se rendant bien compte des difficultés, mais il mettait en avant son frère bien-aimé Charles de Valois. Dès le 27 mai 1308, le roi de France écrivait au roi de Bohême, Henri de Carinthie, pour l'inviter à procéder à une nouvelle élection. 15 jours plus tard, il le priait ouvertement de soutenir la candidature de Charles de Valois. Il se préoccupait aussi de l'Église et voulait l'avoir pour lui. Clément V fit les promesses les plus vagues. Des ambassadeurs furent envoyés en Allemagne pour y répandre de l'argent. On croyait au succès. Des réponses flatteuses, sinon catégoriques, avaient été envoyées. N'avait-on pas beaucoup donné? Mais cette élection, comme toutes celles que tentèrent les rois de France, se termina par un immense déboire. Dans une première réunion à Reutz, le 15 novembre 1308, Henri de Luxembourg, assez petit prince, nullement redoutable, ami du pape, élevé à la cour de France, armé chevalier par Philippe le Bel lui-même, fut préféré par les électeurs, élu roi des Romains à Francfort le 27 novembre, puis couronné à Aix le 6 janvier 1309. Le pape accepta de bonne grâce cette élection. Tout rêve d'empire était évanoui. Du moins, Philippe le Bel cacha son dépit et fit bonne figure. Il reconnut le nouveau roi des Romains, négocia avec lui et fit accepter la prise de possession du comté de Bourgogne, tenu comme fief d'empire. Il y eut bien encore des difficultés à propos de Lyon, de 1308 à 1313. Toutefois, par les traités de Pontoise, 7 septembre 1310, et de Vienne, 10 avril 1312, Lyon entra en totalité et pour toujours dans le royaume de France. La croisade. Enfin, au temps de Philippe le Bel, il fut encore beaucoup question de la croisade, de la conquête de la Terre Sainte. Nul autre projet ne promettait à la France une telle extension, une telle gloire. Le roi en parla souvent, sans jamais s'engager. Il ne voulait pas en tenter l'exécution, mais en tirer tout le profit possible, sans rien entreprendre. Deux fois cependant la croisade fit grand bruit. Ce fut d'abord à la célèbre entrevue de Philippe le Bel et du pape, à Poitiers, à la Pentecôte de 1307. La conquête de la Terre Sainte était l'objet officiel de cette réunion. Véritables états généraux de l'Europe latine. On croyait les Tartares à la veille de se faire chrétiens. Des voyageurs, des écrivains, des orientaux convertis comptaient merveille. Charles de Valois devait être le chef de l'expédition. Le pape envoyait bulle sur bulle. Mais ce que voulait le roi de France, c'était seulement, sous prétexte de croisade, confisquer les biens des ordres militaires. On oublia la croisade pour le procès des Templiers. La seconde fois, ce fut au Concile de Vienne, octobre 1311, mai 1312. Le pape parla beaucoup d'un passage général. Les rois de France, d'Angleterre et de Navarre s'engagèrent par vœux à partir. Ce qui importait à Philippe le Bel, c'était les décimes perçues à ce propos. Ce fut le seul résultat palpable. La papauté. Avec le Saint-Siège, la lutte était inévitable. La papauté, malgré la marche du temps et des choses, prétendait plus que jamais à gouverner le monde, à dominer les princes. Les Césars germaniques avaient succombé après une guerre de plusieurs siècles. Restait la royauté capétienne, jalouse d'une sorte d'indépendance qu'elle avait conservée jusqu'alors pour elle et pour son Église. Mais cette royauté, avec son pouvoir déjà concentré, ses formes déjà bien dessinées, son esprit tout laïque, était autrement redoutable et résistante que le Saint-Empire avec toutes ses prétentions. La papauté devait s'y briser. Boniface VIII. Boniface VIII, élu pape le 21 décembre 1294, semblait incarner en lui tous les changements qui s'étaient faits dans l'Église. Benoît Gaetani, âgé alors de 76 ans, avait, selon l'expression du poète franciscain Jacopone de Todi, beaucoup joué au jeu du monde. Il était beau et vigoureux, imposant à voir, d'humeur violente et altière, éloquent, très versé dans le droit civil et le droit canonique, moins fait pour être prêtre que pour être roi. Aucun pape n'eut une telle idée de son pouvoir. Il disait que toute créature humaine est soumise au pontife romain, que tout ce qui était utile à l'Église était permis. Son pontificat, jusqu'au jour où il entra en conflit avec Philippe le Bel, donne sa mesure. Sa première entrée à Rome, 23 janvier 1295, fut un véritable triomphe impérial. Un roi, celui de Naples, tenait la bride de son cheval blanc. Son prédécesseur, Célestin V, pauvre solitaire qui savait mieux dialoguer avec l'oiseau qui vole, le nuage qui passe, la fleur qui s'ouvre, qu'avec les habiles de la curie, avait abdiqué. Boniface VIII, par crainte d'un retour, le fit traquer, saisir et renfermer jusqu'à sa mort. La famille Colonna lui était hostile. Il l'excommunia tout entière, déclara ses descendants infâmes, mit leurs terres en interdit, fit raser leurs palais, appela pour les soumettre la chrétienté à une sorte de croisade. La bulle Clericis Laicos. Aucun prince ne fut d'abord tant aimé de Boniface VIII que Philippe le Bel. Le pape, légat en France en 1290, avait pu admirer la piété du jeune roi. Par sympathie et intérêt, il soutint d'abord la politique française en Espagne et en Italie. C'est vers le milieu de 1299 que parurent les premières défiances. Avant le 18 août, le pape publia la bulle fameuse dite Clericis Laicos, destinée à l'Angleterre et à l'Allemagne aussi bien qu'à la France. Elle défendait partout à tout laïc d'exiger et de recevoir des subsides du clergé, à tout ecclésiastique de rien payer à un laïc sans autorisation du Saint-Siège, le tout sous peine d'excommunication ipso facto, pour le clerc comme pour le laïc. Les villes qui imposeraient le clergé devaient être de même frappées d'interdits. Par une singulière coïncidence, sinon pour répondre à la bulle, le roi interdisait en même temps toute exportation d'or et d'argent hors du royaume. C'était à rire une des plus abondantes sources du trésor pontifical. L'Église de France ne pouvait plus rien envoyer à Rome. L'orage allait-il éclater à ce moment? Pour la première et la dernière fois, le pape céda. Il était menacé par les Colonna, par le roi de Naples. On contestait son élection. 23 évêques de France le suppliaient d'arrêter les scandales de la dernière bulle. Sans armée et sans argent, Boniface VIII accorda tout ce qu'il avait défendu, et plus encore. Par la bulle Et si de statu, juillet 1297, il déclara que la bulle précédente ne faisait point obstacle à la perception par les princes laïcs des droits féodaux ou sensuels autorisés par les coutumes, ni à celle des dons volontaires ou des prêts d'argent consentis par les prélats. Il permit au roi de France de lever des subsides sur le clergé, de sa propre initiative, en cas de nécessité urgente et pour la défense de son royaume. Lui donna la moitié de la collecte de la Terre Sainte et une année des revenus de tous les bénéfices vacants, le garantit enfin contre toute censure ecclésiastique. Bien plus, il conféra à la maison capétienne la plus pure gloire chrétienne. Louis IX, l'aïeul de Philippe le Bel, fut canonisé. Si au mois de juin 1297, Philippe le Bel avait fait quelques jalouses réserves sur la médiation pontificale dans ses démêlés avec le roi d'Angleterre, il l'accepta cependant et le pape poussa la condescendance jusqu'à rendre sa sentence arbitrale seulement au nom de Benoît Gaetani. Fin de la section 2.